Elle sourit, elle est là, la petite. Elle nous tend tout ce qu'elle a, la petite. Elle attend quelqu'un là-bas, la petite. Elle ne sait pas s'il viendra encore. Assise au bord du trottoir, la petite. Elle est remplie d'espoir, la petite. Elle croise tous les regards, la petite. Elle ne prend pas conscience des risques. Un bout de pizza à la main, elle a froid dans le matin. Elle regarde les Parisiens, elle sait qu'il n'est plus là. Petite brune et rebelle, la petite, elle n'a même plus sommeil, la petite. Elle regarde et elle rêve, la petite, elle ne veut pas que l'on se quitte. Elle suce encore son pouce, la petite. Les autres la repoussent, la petite. Mais elle s'en fout, elle pousse, la petite. Pour passer au travers d'Amérique. Un bout de pizza à la main. Elle a froid dans le matin. Elle regarde les Parisiens. Elle sait qu'il n'est plus là. Clandestine à bâbord, la petite. Elle a découvert son corps trop vite. Sans but et sans remords, la petite. Elle va et vient dans le fond d'une boutique. Humble ciel sur fond de teint pour la petite. Elle veut pouvoir gagner son pain, la petite. Et dans le fond du magasin, la petite. Effacer les traces de son crime. C'est qu'elle ne sait rien, la petite. Mais elle s'en fout, elle va bien, la petite. Elle pense à ses frères au rabbin, la petite. Et un jour elle prendra le navire. C'est toute une histoire, la petite. Mais s'il n'y a pas de gloire pour la petite, elle croit en la victoire, la petite. Un jour elle pourra cacher ses rides. Un bout de pire.